C'est pas à vous. Oh, je le montre, bien sûr. Évidemment, je le montre. Quand on en a bien des beaux. Que, bien que, on devrait peut-être fermer la chemise aujourd'hui, puisqu'on est sous les normales de saison, avec aujourd'hui 17 à 18 degrés prévus sur l'Ardenne, seulement 19 à la mer, 20 à 22 degrés partout ailleurs. On est 2 degrés environ sous ces fameuses normales saisonnières. Alors, au niveau du menu météo du jour, on aura un peu de tout. Comme les fromages belges, il y a une bande nuageuse sur le centre de la Belgique actuellement. C'est les restes d'une perturbation qui peuvent distiller également quelques gouttes à l'avant de cette perturbation et à l'arrière, on profite d'éclaircies, donc éclaircies, nuages, risque de quelques gouttes, un peu de tout. Je vous le disais, pour ce lundi, ça deviendra plus variable à partir de demain jusqu'en fin de semaine. Et puis, les bonnes nouvelles, c'est pour le week-end qu'on va aller les chercher, puisqu'une poussée anticyclonique devrait nous concerner, donc l'été pour le long week-end du 15 août. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, de nouvelles perquisitions hier soir à Farciennes. Dans le cadre de l'enquête sur l'attaque à la machette de deux policières samedi, on fait le point avec Sébastien Jory sur les derniers éléments de l'enquête dans une minute. Hier, la police de Charleroi a reçu la visite des autorités. Le bourgmestre Paul Magnette l'affirme, on a évité le pire, mais la police réclame une meilleure protection pour ses agents. L'empathie, c'est bien joli, mais nous, il nous faut plus que de l'empathie, hein. Il nous faut des décisions politiques et il nous faut de l'action. À Marcinelle, les cloches du bois du casier vont résonner d'un instant à l'autre en hommage aux 262 mineurs morts dans la plus grande catastrophe minière de Belgique. C'était il y a 60 ans, évocation dans ce journal. C'est aussi le jour du dépassement. Aujourd'hui, la planète vit à crédit jusqu'au 31 décembre prochain. À Rio, nos hockeyeurs ont pris la tête de leur groupe cette nuit après avoir écrasé le Brésil 12-0. Enfin, en football, Anderlecht redresse la tête. Victoire 5-1 hier soir contre Courtrai. Et l'enquête progresse donc à Charleroi après l'attaque à la machette de ce week-end. Je vous rappelle que deux policières ont été grièvement blessées. Leur état est stable ce matin. L'auteur de l'agression, un Algérien âgé de 33 ans en séjour illégal, a lui été abattu. Une attaque revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Hier soir, une nouvelle perquisition a donc eu lieu à Farciennes. Sait-on, Sébastien Jory, si elle a permis à l'enquête d'avancer ? En tout cas, elle n'a pas livré de résultats spectaculaires, ce que confirme le parquet fédéral ce matin. Autrement dit, on n'a pas retrouvé d'armes, par exemple. Farciennes, c'est à 10 km de Charleroi. Des membres de la famille de l'auteur vivent à cet endroit. Il y a eu des auditions, mais pas d'arrestations. Donc l'entourage n'est pas suspecté de complicité. Les enquêteurs cherchent en fait à mieux cerner le profil de l'agresseur. L'homme était connu pour des faits de délinquance. Mais en ce qui concerne le terrorisme, aucun antécédent. Pas de déplacement ou contact suspect dans les bases de données des services de renseignement. Malgré tout, Sébastien, peut-on parler d'actes terroristes avérés ? Tout va dans ce sens-là. L'enquête est confiée au parquet fédéral, qui est compétent pour les matières de terrorisme. Et puis, il y a la revendication du groupe État islamique. Par contre, si l'acte terroriste est avéré, cela ne veut pas dire qu'il faut penser à un réseau ou à une cellule. À ce stade, l'auteur est plutôt considéré comme isolé. D'ailleurs, le criminologue Michael Dantin note que le nom de l'agresseur n'est pas mentionné dans la revendication. Dans le fait d'individus isolés qui n'ont pas été à proximité longue ou directe de Daesh, eh bien Daesh ne connaît pas précisément l'identité, mais déduit son adhésion de la nature de l'acte et prend un risque calculé du fait que ce soit sous cette bannière que cet acte ait été placé. Analyse de Michael Dantin, criminologue à l'ULG. Donc, des faits revendiqués n'ont pas nécessairement été commandités et préparé par le groupe terroriste. On parlerait alors plutôt de récupération à des fins de propagande. Les précisions de Sébastien Joris, merci. Et cette agression, elle remet en lumière la menace qui plane sur les policiers, des forces de l'ordre qui se disent en sous-effectif et pas assez protégées. Yasmina Favaro. Oui, depuis de nombreux mois, les policiers se voient comme une cible privilégiée. Cette attaque de samedi semble leur donner raison. D'autant plus que les policières ont été agressées juste devant le poste de police de Charleroi. Les syndicats déplore donc que le niveau de la menace autour des commissariats reste uniquement à 2+, un niveau en deçà de celui du reste du territoire, puisqu'il est à 3 pour la population. Les syndicats tapent donc du poing et attendent des réponses des politiques. Écoutez Vincent Gilles du SLFP Police. L'empathie, c'est bien joli, mais nous, il nous faut plus que de l'empathie, hein. Il nous faut des décisions politiques, c'est l'élévation du niveau de la menace pour les policiers au minimum à 3. Puis, forcément, il faudrait un noyau de mesures à prendre bétonné, national, que tout le monde, partout en Belgique, doit mettre en œuvre pour protéger les lieux de travail policiers et les policiers. Il y a une mesure qui est très épineuse au niveau politique, c'est de décider si oui ou non les policiers peuvent porter continuellement leur arme. Quant aux effectifs, ils ne sont pas assez nombreux selon les syndicats. Ils réclament d'ailleurs des renforts depuis de nombreux mois. En janvier, selon le SLFP Police, il manquait 3700 équivalents temps plein. Si le gouvernement a pris des décisions pour gonfler les rangs, les recrutements ne sont pas assez rapides pour répondre aux besoins actuels. Merci Yasmina. Yasmina Favaro avec Pierre-Yves Meugens. Hier, le Premier ministre et le ministre-président Wallon se sont rendus au chevet des victimes. Charles Michel et Paul Magnette qui ont aussi rendu visite à la police de Charleroi. Sur le plateau du JT hier soir, Paul Magnette l'a affirmé, des contrôles renforcés depuis les attentats du 22 mars et pas qu'à Bruxelles ont permis d'éviter le pire. Écoutez. À Anvers, à Gand, à Liège, à Charleroi, dans tous les grands pôles urbains et même dans beaucoup d'autres, des moyens complémentaires avaient été amenés. C'est d'ailleurs ce qui a permis ici d'éviter une catastrophe beaucoup plus grave que celle que l'on a connue, puisque c'est ce contrôle préalable et l'intervention héroïque des policières qui a permis d'éviter ce drame. On a renforcé aussi à travers une présence de militaires au lieu stratégique, et là où il y a de fortes concentrations d'hommes et de femmes. Mais il faut le dire aussi, les citoyens continuent, et c'est bien normal, à vivre normalement, aller au marché, aller prendre un verre, aller à la foire, il à se promener. Il faut précisément continuer à vivre. Il faut continuer à vivre parce que la seule chose que chercheraient ces terroristes, c'est précisément à nous terroriser, à faire en sorte que nous n'osions plus sortir de chez nous et que le mode de vie européen, qui est un mode de vie basé sur la tolérance, sur le respect, sur l'amitié, sur la convivialité, il faut absolument qu'il survive, il faut absolument qu'il subsiste. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à vivre avec une vigilance, évidemment, due à ces circonstances et avec des moyens de contrôle renforcés, mais on ne peut pas mettre des moyens sécurisés absolument partout où il y a des hommes et des femmes qui sont réunis. Encore vous dire que l'Union des mosquées de Charleroi a réagi hier soir, parlant d'un acte immonde, d'une cruauté extrême. La communauté musulmane de la ville a aussi exprimé tout son soutien aux policières et a appelé à la solidarité de tous face à la violence. Il est 8h07, il y a tout juste 60 ans, à cette heure-ci précisément, survenait la plus grande catastrophe minière que la Belgique ait connue. Oui, 262 mineurs, dont une majorité d'Italiens, perdaient la vie sur le site du Bois du Casier à Marcinelle. C'est un enchaînement de problèmes techniques et d'erreurs humaines qui vont entraîner le drame ce 8 août 1956. Tout commence, vous l'avez dit, vers 8h du matin. Et c'est une évocation signée Cédric Loriot. À cette heure-là, 275 mineurs se trouvent dans la mine à différents étages. Un incident technique se produit à 975 mètres de profondeur avec les cages qui permettent de remonter les wagonnets remplis de charbon. Alain Forti, le conservateur du Bois du Casier. On met à 975 mètres de profondeur un wagonnet dans une cage alors qu'on ne pouvait pas toucher à la cage. Il y a un problème technique qui se passe. Le wagonnet plein qui rentre dans la cage et qui devait chasser un wagonnet vide reste bloqué. D'un côté, vous avez un wagonnet vide à moitié sorti, de l'autre côté, un wagonnet plein à moitié rentré. Donc, lorsqu'on remet la machine en route à la surface, la cage qui est en bas remonte automatiquement et remonte avec les deux wagonnets qui dépassent. Et là, tout s'enchaîne. L'un des wagonnets arrache une poutrelle, des câbles électriques, des canalisations d'huile et de gaz comprimés sont éventrés. Des arcs électriques se forment et tout s'embrase. En quelques minutes, les fumées envahissent toutes les galeries. Le piège vient de se refermer sur tous les mineurs. Seuls 13 d'entre eux en sortiront vivants. Les recherches se poursuivront jusqu'au 23 août, jusqu'à ce qu'Angelo Berto, un sauveteur qui remonte du fond de la mine, mette fin aux espoirs. On a remonté vers 3h30, 4h au matin à ce moment-là. Les journalistes, tout ça, ils m'ont demandé comment est-ce que ça va. Ils ont dit qu'ils sont tous morts. Tout est cadavre, oui. Il faudra encore de longues semaines ensuite pour remonter tous les corps à la surface. La tragédie eut un retentissement international et mis en lumière les conditions de vie et de travail de tous ces mineurs. La catastrophe a mis aussi un terme aux accords charbon conclus 10 ans plus tôt entre la Belgique et l'Italie, avant la mise en place de la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Et les cérémonies commencent en ce moment même à Marcinelle. La cloche du Bois du Casier va donc résonner 262 fois en hommage aux victimes de la catastrophe. Un hommage auquel participe le président du Sénat italien. Et bien c'est aussi aujourd'hui le jour du dépassement global. Oui, un jour fatidique qui arrive de plus en plus tôt chaque année. En 2015, c'était le 13 août. Cela signifie que la planète vit à crédit à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre. Et les explications de Françoise Berlaymont. L'humanité a donc consommé en 7 mois et 8 jours autant de ressources naturelles renouvelables que la Terre peut produire en un an. C'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Une empreinte dont le déficit a commencé au début des années 70. Les émissions de carbone en sont la première cause. Erwin Zakai, directeur du Centre d'études du développement durable à l'ULB. Si on arrivait à produire moins d'émissions qui perturbent le climat, donc en utilisant plus d'énergie renouvelable et aussi plus d'économies d'énergie, effectivement, on aurait fait un grand pas en avant. Maintenant, ça ne suffirait pas parce que, en même temps, on continue à faire la déforestation et on continue à augmenter aussi les cultures faites par l'homme. Le classement des pays selon leur empreinte écologique classe la Belgique 37e sur 150. La Chine, les États-Unis et l'Inde sont le trio de tête des pays dévoreurs de la planète. Au moins 40 morts dans des glissements de terrain au Mexique. La tempête tropicale Earl a balayé deux États du centre et de l'est du pays, accompagnée de pluies diluviennes. Des dizaines de personnes ont perdu la vie ensevelies. Et puis l'image est impressionnante. Plus d'un million de Turcs qui étaient rassemblés hier soir à Istanbul à l'invitation du président Erdogan. Oui, un rassemblement géant pour dénoncer la tentative de coup d'État de la mi-juillet dernier. Une démonstration de force aussi pour le président qui en a profité pour évoquer son projet de rétablir la peine de mort. On écoute Recep Tayyip Erdogan. Comme la souveraineté appartient sans condition à la nation et comme vous avez demandé la peine de mort pour les auteurs du coup d'État, l'autorité qui se prononcera sur cette question est l'Assemblée nationale. Si notre Parlement prend une telle décision, le pas sera franchi. Je le dis déjà, j'approuverai une telle décision du Parlement. Et si la Turquie rétablit la peine de mort, les Européens menacent d'interrompre les négociations en vue d'une éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union. La Thaïlande se dote-t-elle d'une nouvelle constitution très controversée? Elle a recueilli plus de 60% des voix lors d'un référendum organisé hier dans le pays. Une constitution qui va encore renforcer le pouvoir politique des militaires et qui pourront notamment nommer eux-mêmes les membres du Sénat. Il est 8h12, 8-9 sport avec la deuxième journée de compétition hier et cette nuit au JO de Rio. Et en natation, le relais belge du 4x100 mètres nage libre a terminé à la 6e place de sa finale. Pas de médaille mais une magnifique performance puisque nos relayeurs ont également battu le record de Belgique. On écoute le premier relayeur, Glenn Surgelose. On a bien nagé, on a bien réussi, 6e du monde, 6e au jeu. On ne peut pas faire mieux, quoi. Secrètement, on n'espérait pas mieux. Oh, peut-être 5e. Mais ici, on fait le record de Belgique. Donc, on a tous fait notre meilleur temps. Et on ne peut pas faire plus rapide à ce moment-ci. Une interview de Pierre Depré. La course a été remportée par les Américains, dont Michael Phelps, qui s'offre la 19e médaille d'or de sa carrière. Plus tôt dans la nuit, les Red Lions ont écrasé le Brésil 12-0 pour leur deuxième match de poule. Premier de leur groupe, les hockeyeurs belges ont largement dominé une nation peu habituée à la grande compétition dans ce sport, mais qui a pu compter sur son public. C'est un reportage à Rio de Lisburion. C'est en début de match qu'on a le plus entendu les Brésiliens. Ils ont même sifflé et chanté sur les premières notes de la Brabançonne. Vincent Vanage, le gardien belge. Ouais, très belle ambiance. Dommage pour l'hymne national. Ils ont un peu saboté le note, mais en soi, on leur a montré après sur le terrain qu'on ne pouvait pas faire ça avec nous. Sinon, très chouette ambiance. Ils ont mis beaucoup, vraiment, beaucoup d'intensité. Ça nous a donné aussi un boost. Intensité et ferveur, le supporter brésilien marque les esprits, y compris ceux des Belges présents en tribune, comme cette famille venue de Bruxelles. La ferveur par rapport à leur nation, ils y connaissent absolument rien, mais d'office, ils vont les soutenir, peu importe ce qu'ils font. Et dès qu'ils touchent la balle, ils sont derrière eux. Et quand ils n'aiment pas une team, ils font... Les huées n'ont cependant pas duré. Les Brésiliens ont vite compris qu'ils ne faisaient pas le poids sur le terrain, mais aussi dans les gradins où la petite centaine de supporters belges a pu célébrer au mieux ce deuxième match parfaitement géré. Nous nous sommes entraînés depuis 3 jours. Ils n'ont aucune chance. Les t-shirts, le drapeau, le maquillage. Il nous manque juste la bière et les frites. La bière brésilienne, c'est pas ça? Certains prétendent qu'elle est belge. Et est-ce qu'elle est bonne? Elle est bonne. Mais on fait mieux chez nous. C'était un reportage de Lisburion. Bon résultat également pour David Goffin qui s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis en battant l'Australien Sam Gross. Victoire 6-4, 6-2. Au deuxième tour, le Belge affrontera l'Israélien Dudi Sela, 65e joueur mondial. Deuxième tour à venir aussi pour Flipkens. Ce sera face à la Tchèque Lucie Safarova. Et ce lundi, à nouveau, beaucoup de Belges seront à suivre avec, entre autres, l'entrée en lice d'Evi Vanacker en voile, l'une de nos meilleures chances de médaille. Retour chez nous avec le football, suite et fin de la deuxième journée de Pro League hier et cette victoire du Sporting d'Anderlecht, Christophe Reculé. Oui, et une victoire convaincante du Sporting d'Anderlecht, 5-1 contre Courtrai. Les Mauves vont offrir une solide prestation à leurs supporters, sans doute la plus aboutie depuis bien longtemps. Mais c'était surtout une victoire indispensable après la déception de l'élimination en Ligue des Champions en semaine. C'est en tout cas l'avis de Youri Tielemans, le médian du Sporting d'Anderlecht. Oui, c'est sûr, je pense qu'on avait besoin d'une victoire écrasante, on va dire comme ça, avec tout le respect que j'ai pour Courtrai. On a été dans le match du début jusqu'à la fin, même après le 0-1, et on a contrôlé le match comme il le fallait, tout en pleine confiance, donc c'était parfait aujourd'hui. Là aussi, le 0-1, le pénalty, ça aurait pu vous faire douter peut-être la saison dernière. Ici, on n'a pas senti une équipe fébrile. Non, on n'était pas fébrile du tout. On savait qu'ici à la maison, on peut réagir d'une minute à l'autre, donc il n'y avait pas de quoi stressé, on va dire, et on a marqué le 1-1 assez rapidement, donc voilà, il n'y a pas eu de doute, on va dire. Interview signée Emmanuel Jousse. A noter que plus tôt dans l'après-midi, Lokeren s'est imposé 3-0 à Westerlo et qu'en clôture, la Gantoise est venue à bout de Genk 1-0 au classement Anderlecht, Zultewaregem et le Sporting de Charleroi se partagent la première place. Merci Christophe. Reculé, et encore un mot de ces deux records d'affluence pour les festivals de ce week-end. Esperanza a accueilli près de 35 000 personnes sur le site de l'abbaye de Floreffe. Ils étaient 36 000 festivaliers à la 5e édition du Ronquière Festival. Record donc dans la capitale, le BSF a lui attiré plus de 24 000 personnes pour son premier week-end. Le Brussels Summer Festival qui se poursuivra, pour rappel, jusqu'au 14 août. Et vous pouvez laisser vos photos de vacances sur la page Facebook du 8-9, hein, si vous étiez dans un des festivals. J'introduis quand même officiellement une plainte, puisqu'on m'avait dit, Émilie de Kegel, grand soleil ce week-end, des canicules brésiliennes. Pas vu. Ah, pas vu non plus, moi. Non, ils étaient bien, bien cachés. Ah ouais. Vous avez vu, Pierre? Chez moi, il faisait beau. Enfin. Ah, si. Microclimat, n'invitez pas, surtout. Non, franchement, c'est un peu frais le matin, mais ça allait. Ah bon, il l'a vu, alors il a vu le loup, et vous avez J'ai vu le loup. J'ai été chercher le soleil, les amis. Dans un autre pays? Dans le Namurois. Ah, ah ben voilà. Et dans le Namurois, il faisait plus chaud que dans le Liégeois? Oui, écoutez, j'imagine, mais en tout cas, il faisait beau, il y avait du soleil. 8h17, voici un nouveau 8-9. Alors, cherchez l'info sur les routes, Stéphane, RTBF Mobile Info. Ça ralentit en province de Liège, Benjamin, sur le 42 qui relie Bâtisse à Prume en raison d'un chantier qui est situé entre Serres-l'Espa et Polleur. Une dizaine de minutes supplémentaires vers Saint-Vite. Pour rejoindre Bruxelles, ça ralentit sur le 40 Liège-Bruxelles à l'approche de Woluwe-Saint-Étienne. Vous qui devez emprunter ce tronçon, eh bien ajoutez quelques minutes à votre temps de parcours. Un quart d'heure pour rejoindre Bruxelles via le 40. Une zone de travaux entre Malines et Contige sur le 19 Malines. McAllen, Anvers, 15 minutes ajoutées vers Anvers et également vers Bruxelles. Et puis l'autoroute de la mer, le 40 Bruxelles, Ostende, avec cette zone de travaux entre Herpemer et Wetteren, 25 minutes supplémentaires ce matin. Et sur le ring de la capitale, ça ralentit en circulation intérieure en raison d'un chantier situé à Anderlecht, 13 minutes entre Ytre et Grand Bigard. On ajoute 5 minutes supplémentaires entre Grand Bigard et Zaventem. Et pour la circulation extérieure du ring, vous ralentissez entre Grand Bigard et Ytre, c'est plus 10 minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bon alors oublions le week-end pour continuer cette semaine de vacances. Si c'est le cas pour vous, vous nous emmenez où dans un instant, Pierre? Vous avez déjà été chez un apiculteur? Il y a des ruches et à côté d'une ruche, une autruche. Il y a une autruche. Voilà, on parle des autruches dans un instant. Faut que je me réveille, j'ai pas encore l'esprit aussi vif que vous, il est 8h18 et c'est dans un instant donc. Cette semaine, Vivacité vous offre une journée en famille ou entre amis à la mer. Écoutez un air de vacances et gagnez un des Rail Pass SNCB mis en jeu qui vous permettra de vous rendre à la côte belge avec 4 autres personnes de votre choix. Si vous restez en Belgique au mois d'août, profitez-en pour prendre l'air en collaboration avec la SNCB. Dès 11h, Vivacité aura un air de vacances. Le 8-9. On fait quoi ce matin? Vous savez que toutes les femmes sont belles, comme disait Franck Michael. Surtout une, quand même. C'est Chaim qui sera notre invité tout à l'heure. voulez pas les filles, je vous trouve séduisantes, tout ça, mais Shaim. Oui, c'est vrai. C'est du high level, monsieur. Sauf que, faut le dire, quand elle était venue, elle était quand même froide et un peu sèche. Pour c'est les cheveux dire. Bah non, en vrai. Sèche. Bah, c'est le matin. C'est l'heure. Bah, je me souviens de ce moment où tous les hommes étaient alignés dans le couloir en se disant Shaim arrive. Il y avait un moment d'excitation intense. Et elle est arrivée plutôt discrète, sèche, du genre le bonjour qui claque. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, l'enthousiasme est retombé d'un cran. Les incontournables de vacances. Oui, Émilie. Alors, c'est le dernier lundi avant la reprise. Il y en a encore qui ont la chance de partir en vacances. C'est peut-être votre cas. On a parlé de beaucoup de choses à mettre dans le sac de vacances. On va faire le petit best-of pour être sûr de ne rien oublier. Oui, avant la reprise, je rassure les enfants, la reprise de Viva, c'est le 22 août. Oui, voilà. Les autres sont encore, ont encore quelques belles grasses mat en perspective. Et puis les people en vacances tout à l'heure. On a des nouvelles de Adèle, qui est une femme comme les autres, et la fille de Barack Obama, qui n'a pas vraiment de très belles vacances. Et qui n'est pas une femme comme les autres, alors elle. 8h20, la grande évasion, c'est prévu à 9h avec Pierre Jouan. En attendant, voici l'évasion express. Et donc, jeu de mots. Refaites le jeu de mots, parce qu'il était inédit. À côté d'une ruche, il y a une autruche. Voilà, jeu de mots. Bon, on va aller à Rochefort, à l'autrucherie Donneux. Alors, petite leçon sur les autruches. J'ai passé un petit week-end avec un couple d'autruches. C'est affaire de sa vie. Donc la rumeur. Non, on parle des Jeux Olympiques, mais ce sont des véritables athlètes, ces autruches-là, quand même. Elles courent. Ben, elles courent vite, 40 km/h pendant 30 minutes sans problème. Des pointes de 70, voire 100 km/h. C'est comme un scooter débridé, quoi. Ouais, pour les plus rapides. Et puis, quand même, c'est grand aussi. Hein, 1m90 pour la femelle, jusqu'à 2m80 pour les mâles. Ça peut peser de 90 à 150, voire 200 kilos, une autruche. Oh, c'est que moi, je suis à 2 mètres, donc l'autruche. On est œil dans œil. Vous êtes à combien de mètres? Faites gaffe quand même, hein, parce que c'est un bec. Hein. C'est à combien de mètres, Émilie, vous? Moi, 4. Que 4? Non, moi, je suis à quasi 1,80. 1,80, ouais. Catherine Tonnerre, vous êtes à combien? 1,70 m. Ok, quasi. Ouais. Petite autruche, Émilie, petite, grande autruche. Ouais. Et vous, Julie? Autruche que 1,68. Ah ouais, donc pas dans la famille, ouais. Pas dans la famille. Alors, les autruches, je disais, ce sont des véritables athlètes. Elles peuvent sauter jusqu'à 1,50 m en hauteur, 4 mètres en longueur, c'est quand même pas mal. C'est énorme. Hein. Et au lancer du poids, elles sont comment? Oui, au javelot aussi. Le javelot, c'est leur patte, hein. Il faut faire attention parce qu'ils ont quand même que deux doigts avec une grosse griffe aussi, hein. Et donc il faut faire attention. Et puis ça pond des œufs de 1 à 2 kilos, c'est quand même pas mal, hein. Et puis ça vit longtemps, une autruche, moi je savais pas. Combien? 60 à 70 ans. C'est vrai? 70 ans. Ah ouais, ça peut vivre. Une autruche? Bon, en général, ça vit moins longtemps parce que quand c'est dans une autrucherie, qu'est-ce qu'on en fait à la finale? On les mange. On la mange. Oui, c'est ça. Je cherchais la manière délicate de le dire. Voilà. Donc, dans les autrucheries, il y en a une qui s'appelle l'autrucherie Donneux, qui se trouve à Rochefort. C'est tenue par Lydia et Jacques Brouillot. C'est la seule autrucherie autonome de Belgique. Donc, ils font les naissances, les incubations. Hein, ils élèvent les autruches et puis également ils les tuent, ils sont agréés, ils ont un abattoir agréé. Et ben là, vous pouvez donc visiter l'autrucherie, voir la vie d'une autruche. Ça coûte 5 euros. Vous avez une petite crêpe en plus faite par Lydia. Qui est la patronne, voilà, pour le même prix. Eh ben, j'avoue mon inculture, je n'ai jamais mangé un steak d'autruche. Non, moi oui. Ouais. Alors, l'autre. C'est bon. C'est meilleur que le bœuf. Il y a plus de protéines, c'est moins gras aussi. Mais ça ressemble à du bœuf. Ça se cuit comme du bœuf. Ah, c'est une viande rouge. Mais c'est plus fort, exactement. Comme dit Catherine, c'est un peu plus fort au goût. Ouais, ouais. Julie, vous avez déjà goûté? Oui, c'est pas mauvais. Pas mauvais, Catherine? Oui, j'ai goûté aussi. Mais c'est de la viande de gibier, quoi. C'est fort. Ah oui, elle est plus intense. Ça court. Ouais, on fait du saucisson d'autruche, on fait du pâté d'autruche, on fait plein de choses. Et donc à cette autrucherie Donneux à Rochefort, vous pouvez acheter tous les produits également à la sortie. Il y a du lait d'autruche, ça existe? Il y a des œufs en tout cas, avec un œuf vous faites de fameuses omelettes. Hein. Mais par contre là, on voit une photo, et on va le dire à ceux qui nous écoutent à la radio, il y a une photo, un gros plan sur le bec, on a l'impression qu'elles n'ont pas de dents. C'est normal? Ah oui, c'est vrai. C'est herbivore aussi une autruche. Hein. Bah oui, bah c'est ça. Voilà. Qui faisait des dents. Eh ben non, vous n'avez jamais vu une autruche manger un lion et dépecer les. Je m'interroge. Mais faites gaffe quand même parce que c'est dangereux une autruche. Ça peut être dangereux. Non, les coups de pattes et tout, ça peut vous éventrer. Il faut faire attention. Et alors je me demande si l'autruche va plus vite que le guépard. Vous avez suscité en moi plein d'interrogations. Eh ben écoutez, je vous réponds demain. Oui, écoutez, avec 24 heures de délai, ça me semble raisonnable. Et je réagirai à votre réponse avec 48 heures de délai. D'accord. Pour pas me booster. Trois exemplaires, un rose, un vert, un jaune. Ça va sans dire. 8h24, c'est le best-of Cactus. Nous étions ce matin-là le 12 avril et Joël Milquet était donc venu présenter sa démission. Bonjour, Reundech, que je me fais la malle, allo Joël. Affaire courante tout d'abord, la question légitime que se posent les citoyens après cette démission surprise. Oui, Joël Milquet n'est plus ministre. Non, nous ne redescendons pas au niveau 2. menace. La menace était là. Mais cette décision n'impactera pas la sécurité. Un séisme, n'ayons pas peur des mots, Joëlle Milquel ogresse de la politique belge, celle qui avouait travailler 70 heures par jour. Une déclaration qui mettait en lumière ses amitiés avec Jacqueline Galland, démissionne afin de se confronter à la justice dans un dossier où elle est incriminée dans le cadre d'une prise illégale de d'intérêt. Pardon. C'est l'habitude. Ben oui, enfin. On lui reproche d'avoir engagé des collaborateurs à ses propres fins politiques. Or, penchons-nous un peu sur les rôles ingrats de ces cabinetards de l'ombre. Ils étaient 8, et vous allez comprendre qu'ils n'étaient sans doute pas de trop pour assister la ministre dans les tâches qui lui étaient assignées. 8 collaborateurs dont 1 pour, donc je lis, préparer l'agenda. C'est important. Où est mon agenda? Le voici, madame la ministre. Je voulais préparer. Merci Philippe. Vous pouvez discuter. Un autre pour la coordination de l'agenda. Qui a coordonné l'agenda? C'est moi, Jean-François, madame la ministre. Vous voyez, je l'ai coordonné. Vous remarquerez que les dates du dit agenda sont répertoriées dans un ordre croissant allant du 1 au 30 ou au 31. Ah bravo! Selon le mois, se succédant ainsi, selon l'ordre établi par la convention du calendrier grégorien. C'est excellent, Jean-Philippe. Que ferais-je sans vous? Je me le demande, madame Milquet. Vous voyez que ce ne sont pas toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Humour humaniste, CDH, CDH, c'est de l'humour. Notez aussi que, par exemple, chaque jeudi est précédé d'un mercredi dans l'agenda, ou qu'un dimanche est suivi d'un lundi. Merci Jean-Philippe, c'est très bien ordonné, mais je vous en prie. Alors, qui est en charge de la gestion de cet agenda? C'est moi, madame. Bonjour, Bilal. Rachid, madame. Bilal est chargé de la surveillance de l'agenda. Moi, c'est Rachid. Bonjour, Rachid. Alors, par exemple, Rachid, qu'avons-nous comme rendez-vous le 14 de ce mois? Non, madame, non. Moi, l'agenda, je n'y retranscris rien dedans. Je le gère. C'est-à-dire que je l'ai en main, mais je le dispatche. Lorsqu'il s'agit de retranscrire une information, c'est Bernard qui officie. Ah là, ce n'est pas Mohamed qui note. Ah non, Mohamed répond au téléphone. Sylviane peut officier à la retranscription, mais alors qui s'occuperait des pics? Donc, vous voyez, donc, Joëlle Milka avait mis en place une organisation où le hasard n'avait pas sa place. Tentaculaire, certes, mais productive, puisqu'à de rares exceptions près, elle n'arrivait jamais avec moins de 5 heures de retard à un rendez-vous qui avait déjà été déplacé 37 fois. Une bonne équipe pour une bonne gouvernance, cela me semble fondamental et ce juge, ma foi, m'apparaît fort tatillon. Quant à Benoît Lutgen, hier matin, il faisait gris à l'Arsenal. Un manteau de tristesse recouvrait d'une chape de plomb la campagne endormie. Un trémolo dans la voix entouré par toutes les forces vives du CDH, enfin toutes les forces du enfin par l'équipe CDH, le CDH rebaptisé depuis hier Chagrin d'œil humaniste. Benoît a su trouver les mots justes, oui, il y aura un avant et un après Milquet, mais le plus dur aura été pendant. Alors bien sûr, le pays reconnaissant saura rendre hommage à madame l'ex-ministre. Dès ce soir, la RTBF diffusera l'intégrale de la série Flipper le Dauphin, tandis que le carillon de la cathédrale Saint-Michel... Le courage, Joëlle Milquet, quelle abnégation professionnelle finalement d'avoir réussi à transposer le cours de rien à sa propre vie professionnelle. Maintenant, que va-t-elle faire et surtout, aura-t-elle droit au chômage? Et à CDH, c'est de l'humour en fait. Alors ça termine sur une note drôle. Le cactus tous les jours, best-of, et puis dès le 22 août, c'est la rentrée, bien évidemment, tout le monde sera là en pleine forme. Je rappelle donc aux enfants, malgré le coup de tonnerre qu'Emilie a lancé, les enfants, eux, ont encore jusqu'au premier, voire même au-delà. Oui, tout à fait. Ouais, au-delà, parce que les étudiants à l'UNIF, ils rentrent le 20, le 21. Est-ce qu'ils rentrent un jour? Le 15. Ouais, un truc comme ça. Est-ce qu'ils rentrent un jour? Quel dire, on va se faire des amis. Devoir d'enquête spécial été, une collection de documents inédits, des révélations exclusives, des témoins privilégiés. Il n'est pas dangereux, il est super dangereux. Pour découvrir les dessous de l'actualité judiciaire, rendez-vous avec Devoir d'enquête chaque mercredi sur la Une. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Tout ça c'est wallon, tout ça c'est bon. Ici, tout ça, c'est pour vous. Là-bas, sur les réseaux. On va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément. On en rit ou on en pleure? On entend à la fois Facebook, Instagram. Ou on en pleure de rire. Un footballeur, ça s'y mêle encore plus qu'une femme. À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu et parler de votre actu. Moi, forcément, je le sais puisque j'ai cherché la réponse. Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Le 8-9 revient dans un instant sur Vivacité et sur la Une. Vivacité à Liège. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Topitz, astuce congélation du jour. Nous sommes les 5 congélations Topitz, de vrai dur à cuire. On se tient toujours droit pour facilement nous remplir. Topitz, tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec Topitz. Et vous nous rappelez, Catherine, l'actualité de ce lundi. Et l'enquête qui avance à Charleroi après l'attaque à la machette de samedi. Hier soir, une nouvelle perquisition a eu lieu à Farciennes, où vivent des membres de la famille de l'agresseur. Il y a eu des auditions, mais pas d'arrestation. L'état des deux policières grièvement blessées, lui stable ce matin. Le roi Philippe se rendra à leur chevet demain. Il y a tout juste 60 ans, survenait la catastrophe du bois du Casier. 262 mineurs y ont péri, dont une majorité d'Italiens. Les commémorations ont débuté ce matin à Marcinelle, en compagnie du président du Sénat italien. Enfin, à Rio, victoire écrasante des Red Lions cette nuit, qui passent en tête de leur groupe. Nos hockeyeurs ont écrasé le Brésil 12-0. Et puis en tennis, David Goffin s'est lui qualifié pour le deuxième tour du tournoi. En supposant que vous ayez connu la canicule ce week-end, ce ne sera pas la même chose aujourd'hui, même si le temps reste généralement sec. Petite pluie ou averse possible, les températures, on perd un peu, 22 degrés ou 19 surtout par endroit, 19 degrés de maxima. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Anne Poncelet. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Un homme a été interpellé dimanche matin dans le Carré à Liège. Il était porteur d'une machette et d'un pistolet à air comprimé. Il a été arrêté et placé sous mandat d'arrêt. A priori, aucun lien n'a été établi avec l'agression commise ce week-end à Charleroi sur ces deux policières. Et puis cette vidéo inquiétante publiée il y a quelques jours sur le net, c'est une information de nos confrères de la Meuse. Un jeune homme parcourt de nuit le centre de Verviers. Dans la prière qu'il chante, il menace les chrétiens de mort, François Brébant. Dieu humilie et détruit les polythéistes, détruit les chrétiens haineux, tue-les tous, n'en laisse pas un seul. Le jeune homme chante en arabe, la vidéo est traduite en anglais, et cette vidéo, nous l'avons fait entendre à une collègue arabophone qui nous a confirmé la traduction. Ce petit film d'une minute a été tourné de nuit, rue du Brou, à Verviers. Voici comment a réagi ce matin la bourgmestre de Verviers, Muriel Tarnion. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais extrêmement choquée et je dois dire directement que je condamne très fermement ce genre d'attitude. Alors, ce qui me désole une fois de plus, c'est que la police locale, on n'est pas compétent en matière de terrorisme, c'est la police fédérale. Toutefois, j'ai directement contacté le chef de corps et ensemble, on va prendre une série de mesures par rapport à ce jeune, mais nous ne sommes pas compétents pour l'arrêter, pour l'intercepter. Ça, c'est du ressort de la police fédérale. Et j'espère bien qu'on va l'arrêter, parce que pour moi, cette personne représente un danger pour notre ville. Et précisons que nous ne pouvons pas encore établir quand cette vidéo a été filmée. Le Fonds des communes a fait ses comptes et plusieurs entités en province de Liège recevront moins que prévu. C'est le cas par exemple de Theux, Aulne ou Stoumont, entre autres. La cause de cette diminution, de nouvelles règles qui tiennent compte du taux de taxation, de la densité de population et du nombre de logements sociaux. Du coup, les communes qui taxent moins leurs habitants bénéficient moins de cet argent, Olivier Tunus. Avec un taux d'imposition au prix compte immobilier et à l'impôt des personnes physiques parmi les plus bas de la province, Theux va recevoir 129 000 euros de moins que prévu de la part du Fonds des communes. Une somme non négligeable pour un budget de 12 millions d'euros. Depuis qu'il a appris cette information, le bourgmestre de Theux, Philippe Bourri, ne décolère pas. C'est extrêmement malheureux que parce que nous avons des impôts qui sont bas, on nous dit tout simplement, vous avez moins d'argent, augmentez vos impôts, vous en aurez plus. C'est honteux. On voudrait qu'on augmente par exemple les impôts fonciers. Il y a plein de pensionnés, plein de jeunes couples qui sont installés, qui sont propriétaires. Pas question pour moi de les sanctionner. On me demande d'augmenter l'impôt sur les personnes physiques. Pas question de sanctionner les gens qui travaillent. À Aulne, la perte sera de 20 300 euros sur un budget de 3,5 millions. Et là, l'échevin Cédric Alain relève un problème de légalité. Le gouvernement agit par le biais du vote du budget en introduisant ce qu'on appelle un cavalier budgétaire et modifie de façon implicite un décret en cours d'année, alors même que les impôts sont déjà votés depuis bien longtemps dans les différentes communes qui ne peuvent donc pas modifier en quelque sorte leur façon d'agir. Du côté de la commune d'Aulne, est-ce qu'on envisage un recours au Conseil d'État ? Il est évidemment trop tôt pour le dire. On va faire part à notre ministre de tutelle de notre désapprobation par rapport à la méthode qui est utilisée. Et le mécanisme de diminution de l'aide pour les communes les moins taxatrices ne fera que s'amplifier dans les années à venir. Les festivités du 15 août se préparent doucement à Liège. 200 000 personnes devraient envahir les rues d'Outremeuse. Et pourtant, il est un endroit où personne ne marchera. C'est sur la place de l'Isère, au cœur même du quartier. Démoli à l'automne 2014, l'ancien théâtre de la place rendra cet espace de 20 000 mètres carrés aux habitants du quartier, avec notamment une esplanade entourée d'une vingtaine de platanes. La nouvelle place devrait être accessible en novembre. Elle fonctionnera comme une agora, un lieu de convivialité. Frédéric Jacquemin, le chef de cabinet à l'échevinat des travaux. Il s'agit donc d'un espace à vivre, multimodal. Donc nous aurons des platelages en bois qui permettront, avec un jeu de relief intéressant, de se détendre, de s'asseoir. Nous aurons aussi l'installation d'une pergola qui permettra aux activités de quartier, aux activités culturelles, aux animations diverses de se développer. Un espace de jeu pour les enfants, à côté duquel se trouvera également un espace fitness pour adultes, un éclairage spécifique viendra également renforcer la dalle, puisque c'est un éclairage qui viendra du sol, un éclairage blanc LED, qui va permettre de rendre mieux la lumière des platanes et de la verdure environnante. Tout ça pour inviter à fréquenter le cœur de place. Le festival de théâtre de Spa a démarré vendredi. Il se poursuit ce soir avec une nouvelle création. Un mardi sur deux, écrit par le Belge Christian Dalimier, une histoire sur la mémoire vacillante. Un texte porté par deux excellentes comédiennes, Laetitia Reva et Nicole Valberg. Laetitia Reva qui est au micro de Philippe Collette. Déjà deux femmes de générations différentes, puisqu'il y a une femme qui se trouve, elle, dans un home âgé, jouée par Nicole Valberg, et qui perd la mémoire et qui perd ses repères et qui peu à peu perd pied. Et mon personnage qui est plus jeune et qui bénévolement et surtout pour échapper elle-même à un chagrin d'amour et occupe sa vie et remplit sa vie de bénévolat et décide de rendre visite à cette dame qu'elle ne connaît pas. Et effectivement, une rencontre, d'amitié, c'est plus que de l'amitié, c'est-à-dire c'est deux destins qui se rencontrent, deux femmes qui se rencontrent, une au crépuscule de sa vie et qui a vécu une grande histoire d'amour avec son mari, et puis cette femme qui, elle, essaye d'oublier une histoire d'amour, peut-être même plusieurs. Tout de suite, le 8-9 de Benjamin Maréchal. Très bonne journée à vous. Et sur les routes alors, Stéphane, RTBF Mobile Info. Quelques embarras de circulation aux portes de Bruxelles, notamment sur l'E40 qui vient de Liège. Vous perdez quelques minutes, la circulation est en accordéon à partir de Louvain jusqu'à Sterrebeek. Et en conséquence, eh bien, une vingtaine de minutes à ajouter à votre temps de parcours ce matin pour rejoindre Bruxelles. Sur le 19, une zone de travaux entre Malines et Kontich, vers Anvers, depuis l'échangeur de Maquelon. Vous ajoutez un quart d'heure et de Anvers vers Bruxelles, c'est un quart d'heure également. Et puis sur l'autoroute de la mer, l'E40 qui relie Bruxelles à Ostende, entre Herpemer et Mel, une demi-heure supplémentaire avec des répercussions sur la Nationale 9. Sur le ring, un accident nous a été signalé à Grimbergen en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem. 20 minutes supplémentaires et ça ralentit déjà en amont entre Ittre et Grand Bigard en raison du chantier d'Anderlecht où là, il faut ajouter 15 minutes à votre temps de parcours. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous allons à Rio pour les Jeux, le journal de ce matin, avec le Brésil qui, en football, a vraiment du mal alors qu'il joue à domicile. La grande évasion commence dans quelques instants sur Vivacité. À gauche, les naturistes. À droite, les colonies de vacances. Et je m'installe où, moi? En été aussi, choisir le bon côté, c'est important. Alors, dès 13h, Vivacité vous invite à prendre l'été du bon côté. De 8 à 9, le 8-9. Autour de la table, Émilie de Kegel qui nous amène tout à l'heure l'incontournable, l'incontournable, l'incontournable de vacances. Tout à fait. Son grand sac de plage XXL ou de vacances, hein, avec surtout toutes les choses à mettre dedans. Vous pourrez me budgétiser, il vous reste 10 minutes pour budgétiser l'ensemble. D'accord. Ok, parce que c'est important de savoir avec quoi on part et à combien. Les people sont en vacances. Adèle est la fille de Barack Obama, les amis. Ok, et connectez-vous à la Une Télé si vous en avez l'occasion. Pierre a donc ce matin une chemise à fleurs qui sent bon l'été. J'aime votre chemise. C'est vrai? Oui. Je peux vous la prêter si vous voulez. J'aime l'homme que vous êtes et j'aurais aimé mais être... C'est une déclaration. Mais oui, et j'aurais aimé être l'homme que vous êtes. Voilà. Vous n'auriez pas aimé être l'homme qu'il est... Ville flatteur. Émilie n'aurait pas aimé être l'homme qu'il est. La chemise peut-être. Mais la chemise, ouais, bon. La chemise, c'est sympa. En tout cas, ça vous a fait un sujet pour aujourd'hui, c'est bien. Mais non, c'est parce que c'est l'été et vous êtes un des rares à mettre des chemises à fleurs. Et je le dis sans aucune ironie, regardez-moi, je suis en noir tous les jours. Ouais, mais il faut un peu de gaieté quand même dans les habits, tout ça, moi je trouve. Ben oui, mais c'est pour ça que nous allons à Rio mettre un peu de gaieté à 8h38. AG Insurance, supporter de votre vie et du Team Belgium. Vivacité. Les Jeux Olympiques de Rio en direct. Et c'est Eric Libois qui nous attend à Rio pour le regard jeu de ce matin. Eric, on va commencer par du football, parce que le Brésil de Neymar ne va pas bien. Ils ont encore concédé ce week-end un 0-0. C'est le deuxième, mine de rien. Ah oui, effectivement, vous imaginez évidemment ici au pays du football, comme on le dit, le pays de la star Neymar, eh bien rien ne va plus. Neymar qui avait renoncé à la Copa América pour justement aider son équipe olympique à gagner son seul titre qui lui manque. Hein, le Brésil n'a jamais gagné les Jeux Olympiques. Eh bien ça ne se passe pas bien du tout. Vous l'avez dit, premier match contre l'Afrique du Sud, 0-0. Deuxième match, c'était hier, contre l'Irak, quand même pas un fort en thème au niveau du foot. 0-0 encore, vous imaginez le Brésil qui ne marque pas de but, c'est quasiment un scandale. Et en plus, le pire pendant ce temps-là, eh bien, c'est qu'il y a une équipe dame du Brésil, il y a un tournoi féminin forcément, eh bien, cette équipe-là survole son tournoi. Victoire 5-1 hier contre la Suède. Et gros match de la Neymar au féminin, elle s'appelle Marta, 5 fois ballon d'or féminin. Et le public du coup a même crié, Marta est meilleure que Neymar. Vous imaginez le scandale ici. Ah ben, vous retenez le nom, les gars, autour de la table, c'est Marta, c'est la Neymar, c'est ça. Au féminin. J'aurais au moins appris ça ce matin. Alors un mot de cyclisme maintenant, on a vu la chute chez les hommes, on laisse notre médaille d'or de côté pour évoquer une autre chute assez spectaculaire, mais chez les femmes cette fois. Oui, elle s'appelle Annemiek van Vleuten, forcément avec un nom pareil, elle est néerlandaise. Elle est en tête de la course en ligne et regardez, elle chute lourdement dans un de ses virages, de ses fameuses descentes, pratiquement au même endroit que Nibali, Porte et Henao le jour d'avant. Van Vleuten qui souffre aujourd'hui de 3 fractures à la colonne et d'une commotion. Elle est pour 24 heures, figurez-vous, aux soins intensifs, mais heureusement, elle est hors de danger. Pourtant, on se pose des questions quand on voit ces images, évidemment. Une de ses équipiers, d'ailleurs, a même déclaré, en passant à côté d'elle au moment de la course, qu'elle la croyait morte sur la route. Grosse polémique, donc forcément ici, après déjà les chutes de la course masculine en ligne, sur justement l'organisation et la dangerosité du parcours, parce que la route était fort grasse et tout le monde quasiment est tombé dans cette descente. Oui, alors si vous nous suivez en radio ce matin, vous irez sur rtbf.be/sport, vous verrez les images, elles sont particulièrement violentes et impressionnantes. Et puis un petit mot rapide, Eric, sur les Russes et le dopage. On se disait avec David Bertrand vendredi qu'après toute l'exclusion des Russes, c'était peut-être les Jeux sans dopage. Et bien voilà qu'on réassocie ces deux mots-là. Dopage et russe. Oui, et les deux mots en plus que j'ajoute, c'est le prénom Yulia et le nom Efimova. Eh bien, cette Russe s'est fait huer par les 18 000 spectateurs de la piscine olympique hier soir, avant et après sa course. En fait, Efimova a été condamnée pour dopage, mais il y a 2 jours seulement, avant les Jeux Olympiques, donc le tribunal arbitral du sport a cassé sa punition. Elle a donc réintégré in extremis. Elle est l'une des seules Russes à pouvoir nager ici à Rio. Ses concurrentes l'ont traitée de paria. Elle a répondu de la meilleure manière qui soit pour une sportive. Elle a gagné cette série, mais dans une ambiance de tollé intégrale. La branquette dans une piscine de 18 000 personnes, ça fait du bruit forcément. Ah, c'est impressionnant. Voilà pour les images et donc les récits de ce week-end. Merci Eric Libois. J'avoue avoir regardé un petit peu de tir à la carabine ce week-end en matière de jeu. Émilie, vous avez regardé quoi vous ce week-end? Moi j'ai regardé un match de water polo. Ouais, ah, oui, c'est vrai qu'il y a du water polo aussi ce week-end. J'aime bien. Julie, j'ai regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. En différé. Pierre, vous avez un peu olympisé. Je n'ai rien regardé du tout. Eh ben, c'est pour ça qu'on vous résume ça chaque matin avec nos envoyés spéciaux en direct de Rio. Les Jeux Olympiques de Rio 2016. J'attends un cri de joie car dans un instant, Scheim. Oui, Scheim. Ouais ouais non, je suis le cri de joie. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité présente lundi 15 août, le 50e marché 1900 de Marchand Famène. Vieux métiers, artisanat, oiseaux, danse folklorique, cirque et théâtre de rue, jeux anciens, marionnettes, démonstrations de matériels agricoles anciens, plus de 35 animations de belle époque. Depuis 1967, la fête la plus populaire et la plus sympathique de l'année. Programme sur marche1900.be. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Avec Marc Vernon, Philippe Delmel, Marion Jaumotte, Sylvie Honoré et Charlotte Verjans. Les people sont en vacances. Julie, commençons par des nouvelles de... De Madame Adele. Adele, la star selon le magazine Forbes, la mieux payée au monde, en cinquième position. C'est elle l'interprète de ce gros hit, si vous ne connaissez pas Adele. Adèle pourtant reste une femme comme vous et moi, Émilie. Sachez-le, comme vous, madame, à la maison. C'est elle qui est comme nous, c'est pas l'inverse. Ah, c'est ça, c'est dans ce sens-là. C'est ça, mais bien sûr. Parce qu'elle aime faire une chose que nous, les femmes, on aime faire. On aime faire du shopping. Mmh. Eh bien, Adèle, elle n'a pas de vacances pour l'instant. Elle est en tournée américaine, ça veut dire qu'elle bosse plutôt pas mal. En Californie, à San José, elle avait un concert. Juste avant, elle s'est quand même accordée un peu de temps libre pour ses loisirs et son shopping. Elle est allée dans une marque assez banale, on peut dire, chez H&M, s'acheter quelques petites robes, quelques petits tops. Jusque-là, comme vous et moi, tout normal, va bien. Normal, sauf qu'Adèle, imaginez un petit peu son compte en banque. Mmh. Hein, ouais. Elle a quand même quelques Grammy Awards au compteur. Sa carte de banque, au moment de payer. Non, comme nous. Eh ben comme elle n'est pas passée. Solde insuffisant. Elle a été refusée, monsieur. Les vacances d'Adèle, donc c'est ça, c'est parfois être une femme, comme vous et moi, la carte refusée quand on fait du shopping. Pourtant, dans une marque qui, pour moi, je trouvais quand même très honnête par rapport à son statut de grosse star elle internationale. Elle a peut-être pris son portefeuille, il y avait 10 autres cartes de crédit, là où vous en avez qu'une. C'est vrai que l'histoire ne dit pas finalement comment elle a pu gérer le souci. Il paraît qu'elle était mortifiée, qu'elle a eu très peur, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Ça la fout mal, ouais. Ah ouais, ouais. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Bah, autour de la table, qui a connu le solde insuffisant, Pierre? Le monde. Ouais, c'est humiliant, faut moi bien aussi. Le dire. Le pire, c'est quand même à la pompe à essence quand on ne sait pas remplir sa voiture parce que la carte ne veut pas passer et qu'on ne sait plus rouler. Ah voilà, et que ça fait 3 jours qu'on est sur le rouge, sur la réserve. Oui, complètement. Évidemment. Pas de vacances pour la fille de Barack Obama. Ben non, c'est pas parce que papa est une grande star internationale qu'on doit passer des vacances et doigts de pied en éventail. Sacha Obama, la petite de 15 ans, eh bien elle travaille. À votre avis, qu'est-ce qu'elle fait comme petit boulot d'étudiant pendant cet été? Serveuse. Ouais, fast-food, un truc. Bien vu. Fast-food, ouais. Elle est serveuse. Elle est serveuse. Elle est serveuse dans un petit restaurant. Alors c'est assez cocasse puisqu'on s'est un peu renseigné. Finalement, ses vacances, c'est ça, c'est serveuse. Donc elle bosse dur entre guillemets. Ce qui est assez dur par contre à comprendre, c'est qu'elle est en permanence surveillée par quelques gardes de sécurité. À votre avis, il y en a combien pour surveiller la petite Sacha? 4. La fille du président. 13. Plus. Moins. 6 employés de sécurité qui apparemment sont dissimulés dans le petit resto où elle travaille comme ils des planches en attendant qu'elle finisse à la fin de l'été. Ils auront pris 25 kilos les pauvres. On se demande quand même si ça aurait pas coûté moins cher finalement de pas la faire bosser cet été plutôt que de payer cigares. Mais ça la responsabilise un peu, ça c'est vrai. Et en même temps, c'est le resto le mieux gardé du monde. Pour le coup, ils sont tranquilles au niveau sécurité. Ah, ça tu risques rien du tout, les people en vacances. Il est 8h46, tout au long de la saison, qui est venu nous dire bonjour dans le 8-9? Shaim était venu à l'époque présenter sa double compile à nos 10 ans. Shaim est notre invité ce matin. On va faire le tour du best-of. Shaim est là. Et alors? Elle est là en vrai ce matin. Bonjour Shaim. Bonjour. Donc le best-of s'appelle À nos 10 ans. C'est l'occasion, avant d'écouter quelques tubes de Shaim, de se replonger un peu dans votre biographie. Ça vous va si on démarre à 17 ans? Donc 17 ans, vous arrêtez l'école. Ah oui, en gros c'est un flashback assez loin. Ah brutal, ah oui je démarre par les trucs désagréables. Et vous avez une raison pour avoir arrêté l'école ou vous ne donnez pas la raison? Si, j'ai une très bonne raison, en tout cas une raison qui m'a permis de me retrouver devant vous aujourd'hui. C'était de passer mon bac et une fois mon bac en poche, de quitter les cours, de ne pas continuer à la fac, ce qu'ont fait la plupart de mes amis, et de prendre des cours de danse à l'époque à Paris tous les jours. C'est là que vous travaillez en restauration, vous avez des petits jobs Et j'ai travaillé en même temps en restauration pour payer mes cours, les transports, etc. Et puis j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Ah oui, quand même. Et vous savez porter un plateau avec plein plein de verres dessus. Mais évidemment, c'est la technique à mettre plein de verres comme ça, avec les pieds ici, et ensuite faire une pyramide de verres comme ça. Ah, génial. Et d'ailleurs, je l'ai faite et je l'ai fait tomber une fois. Il faudrait un jour que vous nous invitiez un cocktail que vous faites avec à la plaisir. Maison. Et donc, alors, je passe un peu les étapes quand même pour en arriver aux tubes qui sont donc sur le best-of de Scheim. Par exemple, ceci. Ouais. Parler de ma vie, dire d'où je viens, qui je suis une femme de couleur. Vous me direz laquelle vous préférez après, hein. Femme de couleur. Il y a la malice aussi. Fais-play sur la plage suivante. Je dis encore une. Etc, etc. C'est marrant de voir qu'en fait des tubes, il y en a eu plein. C'est laquelle votre préférée, tiens? De celles qu'on vient d'entendre, ce serait peut-être Effet de serre. Effet de serre parce que j'aime beaucoup ce que dit la chanson, j'aime beaucoup ce qu'elle suggère, et puis je me suis surtout beaucoup amusée à faire le clip avec Roy Raz, ouais. Le réalisateur du clip, et je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Alors c'est vous qui avez provoqué en parlant de clip, donc de visuel, donc de look, parce qu'il y a la partie Scheim chanson, puis c'est vrai qu'on parle beaucoup de votre look. Alors je sais pas si en conso on dit que vous êtes prescriptrice de tendance, donc à force d'avoir des looks vous incitez les jeunes à s'habiller comme vous, mais vous êtes fashion victime un peu ou pas? Je sais pas si je suis victime de moi, en tout cas de mes envies. Après, je sais pas si c'est forcément fashion, si ça suit quelque chose. En tout cas, ça suit surtout mes envies, mes lubies. Et oui, je j'aime l'image depuis le début de mon projet. Ça en fait partie aussi. J'aime m'amuser de mes looks. Look de cuir aujourd'hui, hein, pour ceux qui voient pas. Look de cuir aujourd'hui. Ouais. Voilà, basket, jean et cuir. Je pense que c'est ma tenue idéale. Voilà, celle dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Deux secondes de psycho. Le rapport à la nudité, parce qu'on vous a vu avec quelques robes dans Danse avec les stars. Je me souviens, sans avoir regardé en détail, de décolleté « Oh mon ami purée ». Il faut le dire. Votre rapport à la nudité, c'est un truc qui vous met mal à l'aise ou pas? Dans la vie de tous les jours, assez. Je suis quelqu'un d'assez pudique. En revanche, sur scène, dans mon personnage, derrière un costume, quand je me sens à l'aise et quand je choisis effectivement mes tenues, je me sens très bien. J'ai du mal à croire vos interviews. Donc à l'époque, je ne sais plus dans quel journal, vous dites « Oh, moi je suis une timide, agoraphobe, j'ai peur de la foule, je suis un petit peu discrète », j'ai du mal à croire. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Effectivement, c'est difficile à comprendre et à envisager, mais pour tous les gens qui me connaissent depuis ma tendre enfance, mes amis, mes proches, etc., c'est pas si illogique que ça. J'ai l'impression d'être, enfin, c'est pas qu'une impression, mais je suis plus à l'aise, en tout cas, dans le personnage de Scheim quand je suis un peu dans les extrêmes, quand je suis loin de Tamara, quand je suis loin de la femme que je suis dans la vie tous les jours. Après, c'est difficile de l'expliquer, c'est comme ça, c'est un état. Je force personne à me croire ou à le croire, ouais. En tout cas, mais j'essaye de vivre, en tout cas de garder un équilibre entre ces deux personnages et mes deux mondes. Et pour tout vous avouer, on a re-eu le même grand débat qu'à l'époque sur sa coupe de cheveux, le look un peu à la Cléopâtre, coupé très court. Vous en êtes ou vous en êtes pas? Alors, Émilie? Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Pierre? Je préfère la pochette, là. C'est peut-être des extensions, hein, mais bon. Ouais. Sur la pochette, elle a les cheveux plus longs avec une tresse qui. C'est plus joli, ouais. Elle a surtout le dos nu sur la pochette de son best-of. Julie, son look à la Cléopâtre. Là. Non, mais le Godefroy de Montmirail, c'est plus trop à la mode. Hein. Je pense que c'est fini, ça. Elle appréciera. Bonjour. Elle croyait que c'était fashion. Il est 8h52. Autre coupe de cheveux. Cheveux courts. Émilie de Kegel avec les incontournables des vacances. La 2 en télé. Retrouvez les actualités et les résultats des Jeux Olympiques dans Viva Rio Le Mag, dès samedi 14h sur la 2. Cet été, de 11h à 13h, Vivacité a un air de vacances, avec Stéphane Piedbeuf. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train... Ce vendredi, l'équipe RTBF Mobile Info et le Mobicopter Etias survoleront les autoroutes du pays afin de vous informer au mieux de vos conditions de circulation. Si vous partez à la mer, en direction du Luxembourg ou de la France, écoutez les flashs Mobile Info sur Vivacité pour éviter les bouchons inutiles. Le Mobicopter ETIAS et RTBF Mobile Info vous guident sur la route des vacances. ETIAS est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur ETIAS.be. Le 8-9. Et après tout, il n'y a pas de raison, toute cette semaine, Viva vous emmène à la mer, vous écoutez à partir de 11h un air de vacances et vous pourrez remporter des rail pass SNCB mis en jeu. Rail pass, 4 personnes, les 4 personnes de votre choix, en direction de la mer grâce au rail pass qu'on vous offre. C'est tout au long de la semaine, dès 11h dans un air de vacances, profitez-en. Et n'oubliez pas que le week-end qui arrive, c'est le week-end du 15 août et que donc par endroit, il y aura beaucoup de monde et que par endroit, il n'y aura plus personne puisque tout le monde est parti. D'où les incontournables de vacances, ouais. Ce qu'il faut vraiment mettre Émilie de Kegel dans sa valise cette année. Alors, dans sa valise, ou plus précisément dans votre sac de voyage, que vous alliez à la mer, au camping, à la plage, près de la piscine, il y a vraiment des choses qu'il ne faut pas oublier du tout pour éviter de se retrouver tout nu quand la bise fut venue. Je prends une feuille pour noter. Voilà. Alors déjà, il va falloir investir, si ce n'est pas déjà fait, dans un sac taille XXL. Hein. C'est pas le sac banane. Le sac Mary Poppins, en fait. Le sac Mary Poppins, yes. Dans lequel on va tout trouver. Alors, c'est valable pour les femmes, c'est valable pour les hommes aussi. Un sac encore un petit peu plus grand si vous avez des enfants, évidemment, parce que là, il faut rajouter plein de choses. Alors, on commence déjà avec l'une des choses, c'est le béaba du sac de plage, du sac de vacances, c'est la crème solaire. Oui. Indispensable, vous avez besoin, donc, pour éviter de se retrouver version homard avec les coups de soleil, parce qu'après, vous allez être obligé de vous planquer derrière des t-shirts, des pareos, donc c'est nul. Crème solaire, indice 50 pour le visage, vous n'oubliez pas les protections pour les enfants, surtout, et on renouvelle tout le temps, surtout si vous allez vous baigner. Ça, c'est l'indispensable. Si vous n'allez pas vous baigner, parenthèse, à 5 ans, vous ne bronzerez pas beaucoup. On est d'accord que 5 ans, c'est... Si. Il paraît que figurez-vous. Si, vous allez bronzer, surtout votre capitale peau. Parce qu'une fois que votre capitale peau, derme, épiderme est foutue, ça ne revient pas. J'entends bien, mais c'est toujours gai d'impressionner les collègues avec un Marcel Blanc quand tu reviens de vacances. Mais bref, j'ai noté 5 ans. Si c'est votre truc. Notez crème 50, suivant. Crème 50. Si vous allez vous baigner, c'est une bonne chose. Si vous n'allez pas vous baigner, d'autant plus, ayez une grande bouteille d'eau avec vous parce qu'il faut s'hydrater, surtout si vous allez dans un endroit où il fait bien chaud. Vous prévoyez aussi des bouteilles d'eau pour les enfants. En plus, le vent, le soleil, le sable, tout ça, ça va dessécher votre peau. Vous allez peut-être éventuellement beaucoup parler avec vos voisins de serviettes. Donc, de l'eau, c'est hyper important. D'autant qu'en vacances, la bouteille d'eau se vend cher. Vous pouvez confirmer ou pas? Oui. C'est vrai, non, c'est vrai. Alors, la boutique de bord de plage. Bouteille d'eau, peut-être encore truc un petit peu plus sympa, c'est carrément la gourde dans laquelle l'eau va rester un petit peu plus fraîche, plus longtemps que... J'ai vu qu'ils avaient des récipients en bouteille d'eau, on mettait la bouteille d'eau dedans, on mettait ça dans le sable et ça restait au frais. Alors voilà ça... aussi, il y a plein de petits trucs. C'est pas idiot. C'est vrai que quand on creuse le sable, c'est un peu humide en dessous. Il ne faut juste pas oublier de le reprendre après. Bah, c'est ça. C'est clair. Pour les têtes avec plus ou moins de cheveux, n'oubliez pas la casquette, le chapeau de paille, que vous soyez adulte, enfant, c'est surtout hyper important pour éviter les insolations. La lunette de soleil, très importante. Oui, le monocle, vous voulez dire. Le monocle de soleil. Cyclope. Non, les lunettes de soleil. Alors, on n'oublie pas, on en avait parlé début de saison estivale, il faut les références CE dessus, des indices de 1 à 4, préférez les 3 et 4 pour être sûr que vos yeux soient bien protégés des rayons du soleil. Ce serait dommage de se retrouver avec un coup de soleil sur la rétine, parce qu'on peut avoir des coups de soleil sur les épaules, mais sur les yeux, c'est dommage. D'où l'intérêt parfois d'acheter une marque. Qui a une marque? Qui a une cacaille autour de la table? Julie, vous achetez une marque pour les lunettes de soleil ou c'est une... Oui, parce qu'il y a les verres correcteurs qui vont avec, sinon je vois pas grand chose. Ouais. C'est le truc qui finit par ban que vous achetez? Oui, moi okay, aussi. Ok, Pierre? Oui, moi aussi. Mais c'est fini par ban. Oui, ou autre chose, mais pour la qualité, c'est vrai que c'est important de préserver ses yeux. Oui, parce que les cacailles, elles sont parfois dangereuses. Elles sont très, très dangereuses, donc faites bien attention. Les lingettes déodorantes, parce que vous êtes au soleil, il fait chaud, vous transpirez éventuellement un petit peu plus que d'habitude, vous allez marcher, vous allez vous baigner, bref, pour éviter, alors non pas de sentir mauvais sur la plage, mais surtout après, quand vous décidez de partir, vous allez vous rincer. Donc une petite lingette désodorisante, ça peut... Mais ça, c'est pas... Allez, on va dire que c'est pas obligatoire. Ah, c'est on peut sentir quand même. On peut sentir la bête, on peut sentir le sable, on peut sentir l'eau chaude, la crème solaire. Allez, on va dire que ça, c'est pas vraiment... Vous préférez pas un spray, un déo-spray qu'une lingette qui va un peu étaler la... La crasse. Non, parce que souvent, les déo-sprays, souvent avec le gaz, etc., ont un petit peu d'alcool et ça peut vous brûler et ça, c'est pas top avec le soleil et tout ça. Donc, mieux éviter. Moi, ce que j'aime bien sur la plage, c'est les sprays pour rafraîchir tout ça. C'est ah oui, le brumisateur. C'est agréable. Ça, c'est gai. Un dernier. Alors, un dernier, le téléphone portable que vous avez sur vous, bien entendu, c'est hyper important pour plein de choses parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Maintenant, prenez une petite housse avec un H pour éviter que votre téléphone portable soit plein de crème solaire, d'huile solaire, de monoï, de sable, d'eau. Bref, ça fait aussi partie des indispensables. Le téléphone dans le sac, mais lui-même dans une petite pochette. Alors, je résume, vous me dites si vous aviez tout dans vos dernières vacances. Pierre, c'était quand vos dernières vacances? C'était il y a longtemps. Non. Bon, oui, à l'époque de vos 15 ans, donc oui, dernière vacances. Non, c'est l'année dernière, oui. Crème solaire, vous aviez? Oui. Bouteille d'eau? Oui, en général, oui. Casquette? Oui, toujours. Oui. Lunettes? Oui. Lingette? Non. Lingette, il prend pas. Non, téléphone non, non. Portable? Téléphone portable, vous aviez? Oui, mais pas dans une pochette. Ah, j'ai mis un écran total. Ok, bah c'est forcément. Julie, vous aviez quoi dans la liste? Vous aviez tout sauf la casquette et les lingettes. Ouais. Et alors, une alternative écologique à la lingette, vous n'avez pas un truc en 10 secondes? La lingette, si on la jette, elle... Bah non, bah vous allez dans l'eau et vous allez un petit peu... Vous faites un petit exfoliant avec du sable et ça va enlever les odeurs. Voilà. Vous faites pipi dans la mer? Oui. Très bien, c'est terminé. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Je sais pas si c'est un climat de la mer aujourd'hui, Nicolas Xavier Ladoux, si c'est propice. C'est un flux maritime. Du coup, on a une petite perturbation qui en profite pour s'immiscer chez nous. Et c'est une bande nuageuse assez compacte qui est encore présente sur une bonne moitié maintenant sud-est du territoire. Elle progresse vers les frontières allemandes et grand-ducales. On en sort sur l'ouest du pays avec le retour des éclaircies. Ailleurs, encore quelques gouttes possibles. Et puis après, les éclaircies reviennent aussi. Côté température, pour aujourd'hui, on aura de 17 à 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 19 degrés en bord de mer, 20 à 22 degrés sur les autres régions. Quant au vent, eh bien, il sera modéré d'ouest à nord-ouest aujourd'hui. La nuit prochaine, 10 à 15 degrés, le ciel va se voiler. Puis pour demain, ce sera souvent lumineux, mais des nuages vont à nouveau progresser. Ils iront se cantonner l'après-midi au sud et à l'est de nos régions, donnant ça et là quelques petites averses. Des maxima en baisse pour demain, puisqu'on ne dépassera plus 15 à 20 degrés. Bon lundi tout le monde et la grande évasion juste après les infos de 9h. La 2 en télé. Retrouvez les actualités et les résultats des Jeux Olympiques dans Viva Rio le Mag, dès samedi 14h sur la 2. Très bon début de journée, très bon début de semaine. Vous écoutez Vivacité, les 9h. Le journal de 9h avec Nathalie Servet. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Après cette agression à la machette contre deux policières samedi à Charleroi, les policiers réclament plus de moyens. Oui, depuis de nombreux mois, les forces de police se sentent comme une cible privilégiée. Ils réclament plus d'effectifs pour assurer leur mission en toute sécurité. Les syndicats ne comprennent d'ailleurs pas pourquoi le niveau de la menace autour des commissariats reste à 2+ après cette attaque. Un niveau défini par l'OCAM, un niveau en deçà de celui de la population qui est à 3. Un avis partagé par Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi. Alors, ce n'est pas à moi de me prononcer à la place de l'OCAM, mais c'est vrai que c'est difficilement compréhensible. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne comprend bien pourquoi, alors que des policières ont été agressées, ce niveau de menace est maintenu en dessous du niveau général. Là, il y a quelque chose qu'il faut que l'OCAM explique ou qu'elle révise son jugement, certainement, même si en respectant leur indépendance, je ne veux pas m'immiscer dans leur rôle, mais je crois que l'incompréhension générale est quelque chose qui devrait les amener à réfléchir. Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi, interrogé par Robin Cornet ce matin. Les deux policières grièvement blessées sont hors de danger. À présent, elles devront cependant encore subir plusieurs opérations. Suite à cette attaque, des perquisitions ont été menées hier soir à Farciennes, des perquisitions qui n'ont pas livré de résultats spectaculaires. C'est ce que confirme le parquet fédéral ce matin. Autrement dit, on n'a pas retrouvé d'armes, par exemple. Perquisition menée dans l'entourage familial de l'auteur. Aucun mandat d'arrêt n'a été décerné. Je vous rappelle que cette attaque a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Il est 9h02 à Marcinelle. La cloche a retenti 262 fois ce matin sur le site du Bois du Casier. Oui, 262 fois pour les 262 mineurs qui ont péri il y a 500 ans dans le fond de la mine. C'était le 8 août à 8h. La catastrophe du Bois du Casier est la plus grande catastrophe minière que la Belgique ait connue. 60 ans plus tard, le souvenir est toujours douloureux. Luciano Arcangeli, vous avez suivi la cérémonie d'hommage ce matin. Ces cérémonies de commémoration ont débuté. Elles ont débuté par une petite surprise car ce matin, l'ensemble du site était placé sous haute sécurité avec une importante présence policière, présence militaire aussi, à l'extérieur du site mais également à l'intérieur du site où se trouvent environ un millier de personnes. Il y a là les représentants, les officiels évidemment. Il y a aussi, c'est très important, les représentants des familles. J'ai à côté de moi Enrica Buccione, votre... grand-père est décédé dans cette mine, c'était il y a 60 ans. Vous avez fait ce déplacement d'Italie pour venir ici? Oui, mon grand-père est décédé ici avec 5 autres personnes de la famille. Et je suis venue ici avec ma sœur et mon mari et mon petit bébé. Et nous sommes venus pour raconter l'histoire de notre famille, de point de vue de femmes. Et je crois